Bien, alors comment dit-on « je l'ai pris » ? I take it. I, le passé. Took. Took, yes. Took, je l'ai pris. I took it. I took it. I took it. Je le prenais. I was taking it. Right, I was taking it. J'allais le prendre. I was going to take it. Right, I was going to take it. Je ne voulais pas le prendre. I didn't want to take it. Right, I didn't want to take it. Je ne savais pas que vous alliez le prendre. I didn't know you... Vous alliez le prendre. You will take it. You will be taking it. Non. You was going to take it. You... You are going... You are going veut dire vous allez le prendre. Ici, je vous demande comment dire vous alliez le prendre. You were going to take it. Right, you were going to take it. So once more, je ne savais pas que vous alliez le prendre. I didn't know you were going to take it. Right, I didn't know you were going to take it. Yes. Voulez-vous que je le prenne? Voulez-vous que je le prenne? Do you want me to take it? Right. Do you want me to take it? Mettre, vous vous souvenez, c'est to put. Je le mettais sur la table pour vous. I was putting it... I was putting it sur la table. On the table. Yes, I was putting it on the table for you. Où voulez-vous que je le mette? Where do you want me to put it? Right. Where do you want me to put it? Oublier. To forget. To forget. Ce verbe a un passé irrégulier. I forgot. To forget. Forget s'écrit F-O-R-G-E-T. To forget. Sa forme passée est forgot. Et ça s'écrit F-O-R-G-O-T. Est-ce que vous avez oublié? Did you forget? Right, did you forget? Yes. Non, je n'ai pas oublié. No, I didn't forget. No, I didn't forget. Je l'ai oublié. I forgot it. Yes, I forgot it. I forgot it. To get, en anglais, veut dire recevoir, obtenir ou avoir, dans le sens de recevoir. Alors, tout comme le verbe forget, qui au passé donne forgot, le verbe to get au passé devient got. J'ai reçu, j'ai eu, j'ai obtenu, j'ai reçu, j'ai eu votre message. I got your message. Right, I got your message. Je n'ai pas eu votre message. I didn't get your message. Right, I didn't get your message. Prendre. To take. To take. Je l'ai pris. I took it. I took it. Je le prenais. I was taking it. Yes, I was taking it. En français, on emploie également le verbe prendre pour exprimer l'idée de prendre quelque chose à manger, quelque chose à boire. On dit alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Dans ce cas, pour qu'est-ce que vous voulez prendre, qu'est-ce que vous prenez, en anglais, on n'emploie pas take, mais le verbe to have. Par conséquent, si vous voulez dire au restaurant « qu'est-ce que vous voulez prendre » ou « qu'est-ce que vous voulez avoir », vous devrez dire quoi ? « What do you want have ?» Once more. « What do you want to have ?» Right. « What do you want to have ?» Yes. « What do you want to have ?» Qu'est-ce que vous voudriez prendre ? Qu'est-ce que vous prenez ? What are you having? Having, right. What are you having? Yes. What are you having? Qu'est-ce que vous allez prendre à manger ou à boire? What you are. Qu'est-ce que vous allez prendre? What you were having? Essayez encore une fois. Qu'est-ce que vous allez prendre? What do you wear? Non. Avec ing. Il n'y a pas de signal d'interrogation. What you were taking? Comment se dit le verbe aller? To go. To go. Où allez-vous? Where are you going? Where are you going? C'est une question, mais on n'emploie pas le signal do you ici. Avec ing, are you going, il n'y a pas non plus de signal. Where are you going? Alors, comment se dit qu'est-ce que vous faites? What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que vous allez faire? What are you doing? What are you doing? C'est qu'est-ce que vous faites? Je demande qu'est-ce que vous allez faire? Were you doing? What were you doing veut dire qu'est-ce que vous faisiez? Vous allez. Qu'est-ce que vous allez. Comment se dit le verbe aller? Où allez-vous? Where are you going? Qu'allez-vous faire? What are you going to do? Qu'est-ce que vous allez faire? What are you going to do? Yes. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? What are you going to do? Et comment dit-on? Où allez-vous être plus tard? Where are you going to be... plus tard? Late? Later. Later. Yes. Where are you going to be later?